lyonnais. Comment passeras-tu l'hiver? Y aura plus qu'une orange dans ton bas de Noël. Je me demande si tu oses faire des blagues sur les pauvres, bien au chaud dans ton alcôve. Perché dans un beau condo, plus haut que les oiseaux, c'est un peu comme si tu avais des ailes. Très loin des simples mortels, tu te sens comme un béatifié, avec des soins de santé. Tu as fait des mises à pied, des actions remontées, et te voilà maintenant rassuré. Vois-tu participer à la télécharité pour tous ces sinistrés? Perché dans un beau condo, plus haut que les oiseaux, c'est un peu comme si tu avais des ailes. Très loin des simples mortels, te sens comme un béatifié, avec des soins de santé privés. Perché dans un beau condo, plus haut que les oiseaux, c'est un peu comme si tu avais des ailes. Très loin des simples mortels, tu te sens comme un béatifié, avec des soins de santé privés. Perché dans un beau condo,